L'accès des jeunes de 6 à 16 ans au sport et à la culture, c'est le Pass Jeunes 54. Le département de Meurthe-et-Moselle, la CAF 54, l'État et la MSA Lorraine proposent une aide financière aux jeunes de 6 à 16 ans pour leur inscription à une activité régulière. L'aide varie entre 100 et 50 euros par enfant et concerne les familles dont le quotient familial est inférieur à 650 euros. Les parents des jeunes concernés ont reçu un courrier en août leur indiquant les modalités du dispositif. Dans notre département, de nombreuses associations sportives, culturelles ou de loisirs sont partenaires. Renseignements ? Page jeune au pluriel 54, tout attaché, @cdos54.fr ou au 09 70 19 96 54.